Bélier, vous devez faire des choix et vous y tenir, sinon vous allez gaspiller votre énergie. Taureau, vous êtes gâté par la conjoncture céleste qui dépose à vos pieds de bien jolis cadeaux. Gémeaux, vos amours sont en ligne de mire planétaire pour votre plus grand plaisir. Cancer, soyez conscient de votre charme, vous manquez parfois d'assurance sur ce plan-là. Lion, vous êtes au top de la séduction, alors profitez-en. Vierge, sortez de votre coquille, cela vous fera le plus grand bien de vous divertir, de rencontrer de nouvelles têtes. Balance, ne ruminez pas de vieilles rancunes, oubliez vos récriminations passées pour vous tourner vers le présent, c'est bien plus constructif. Scorpion, vous pourrez redorer votre blason grâce à vos idées, votre prestige en ressortira grandi. Sagittaire, vous baignez dans un climat créatif qui vous projette en première ligne professionnelle. Capricorne, évitez de prendre des excitants en fin de journée, dîner léger, aérez votre chambre et buvez une infusion avant de vous endormir. Verseau, ne vous emballez pas trop vite, vos mots dépassent votre pensée et vous pouvez déclencher un conflit sans même le faire exprès. Poisson, vous avez connu des jours meilleurs sur le plan sentimental. Vous devez faire face à une situation qui demande doigté et souplesse.